Sur ma foi, je ne me trompais pas. C'est toi, Rublas. C'est toi, Zafari. Que fais-tu dans ce palais? J'y passe, mais je m'en vais. Je suis oiseau, j'aime l'espace. Mais toi, cette livrée, est-ce un déguisement? Non, je suis déguisé quand je suis autrement. Que dis-tu? Donne-moi ta main que je la serre. Comment cet heureux temps de joie et de misère, où je vivais sans gîte, où le jour j'avais faim, où j'avais froid la nuit, où j'étais libre enfin. Quand tu me connaissais, j'étais un homme encore. Tous deux nés dans le peuple. Hélas, c'était l'aurore. Nous nous ressemblions au point qu'on nous prenait pour frères. Nous chantions dès l'heure où l'aube naît, et le soir devant Dieu, notre père et notre hôte, sous le ciel étoilé, nous dormions côte à côte. Oui, nous partageons tout. Puis enfin arriva l'heure triste où chacun de son côté s'en va. Je te retrouve, après 4 ans, toujours le même, joyeux comme un enfant, libre comme un bohème, toujours ce Zafari, riche en sa pauvreté, qui n'a rien eu jamais et n'a rien souhaité. Mais moi, quel changement! Frère, que te dirais-je? Orphelin, par pitié nourri dans un collège de science et d'orgueil, de moi, triste faveur, au lieu d'un ouvrier, on a fait un rêveur. Tu sais, tu m'as connu. Je jetais mes pensées et mes vœux vers le ciel, en strophes insensées. J'opposais sans raison à ton rire moqueur. J'avais, je ne sais quelle ambition au cœur. À quoi bon travailler? Vers un but invisible je marchais. Je croyais tout réel, tout possible. J'espérais tout du sort. Et puis, je suis de ceux qui passent tout un jour, pensifs et paresseux, devant quelques palais regorgeant de richesses, à regarder entrer et sortir des duchesses. Si bien qu'un jour, mourant de faim sur le pavé, j'ai ramassé du pain, frère, où j'en ai trouvé, dans la fainéantise et dans l'ignominie. Oh, quand j'avais 20 ans, crédule à mon génie, je me perdais, marchant pieds nus dans les chemins, en méditation sur le sort des humains. J'avais bâti des plans sur tout, une montagne de projets. Je plaignais le malheur de l'Espagne. Je croyais, pauvre esprit, qu'au monde je manquais. Ami, le résultat, tu le vois, un laquais.